Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 11 avril 2017. Voici les grands titres de cette édition. Les habitants de Gassenyé, en commune Motimbozi, de la province Bujumbura et en construite auprès du nouveau palais présidentiel en chantier, ne savent pas où donner de la tête. Leurs maisons sont en train d'être détruites. Nous serons en ligne avec notre reporter qui se trouve sur place. Et le président de l'association burundaise des consommateurs à Bouko dit espérer des retombées positives avec la réduction de 40% du prix de transport des marchandises qui pourront désormais emprunter la voie lacustre du port de Kigoma en Tanzanie vers celui de Bujumbura. Et puis les enseignants de l'école normale supérieure, NS, estiment que l'autorité devrait privilégier la voie du dialogue avec les étudiants afin de dissiper leurs peurs à propos de la nouvelle organisation de la gestion de la bourse d'études. Et ces enseignants conseillent à ces étudiants de regagner les auditoires. Le président du cercle du personnel enseignant nous fera remarquer que les mesures d'accompagnement relatives à ce décret n'ont pas été suffisamment communiquées aux intéressés. Et des employés de la mairie de Bujumbura se plaignent des retards mis dans le paiement de leur salaire et se demandent où va l'argent qu'ils cotisent pour leur fonds de pension complémentaire. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Rebonjour, c'est la désolation totale chez les habitants de Gassenyé en commune Motimbozi ayant construit auprès du nouveau palais présidentiel en chantier. Ils ne savent plus où donner de la tête. Des caterpillars sont en marche depuis ce matin pour détruire leur maison. Nous sommes en ligne avec notre reporter qui se trouve sur place. Placide, bonjour. Bonjour Bosco. Vous êtes à Gassenyé pour nous, décris-nous ce que tu vois. Bosco, on peut dire que, comme venait de le dire, c'est une désolation totale. Il y a la population qui est en train de pleurer. Mais alors, c'est que depuis l'avant-midi de ce mardi, il y a une machine, Caterpillar, avec une plaque du gouvernement qui est à l'œuvre pour démolir les maisons érigées dans les 40 hectares environnant le nouveau chantier du palais présidentiel. Pour le moment, plus de 10 maisons et clôtures en dur sont déjà démolies. Et Bosco, il faut préciser qu'il faut que avant la démolition, sous la supervision du gouverneur de Bujumbura, c'est que les chefs de ménage apposent une signature aussi en écrit manuscrit sur lequel ils reconnaissent que c'est bien eux qui font sortir les biens pour la continuité du projet de l'État. Sur cet écrit, signe le chef de ménage et le chef collinaire. Oui, Placide, vous venez de le dire, ces personnes sont naturellement désemparées, mais qu'est-ce qu'elles disent ? Ces personnes affirment qu'ils sont dans la désolation totale et précisent qu'ils n'ont pas où aller. Mais la gouverneure Nadine Gatsouti, qui était sur place et qui vient de quitter l'endroit, invite ses habitants de Gassenyé qui disent n'avoir pas où aller de se rendre plutôt au chef-lieu de la commune Motimbozi, mais promet que ceux qui sont dans le périmètre de 40 hectares, qu'ils seront indemnisés. Merci Placide, restez là pour nous pour d'autres informations que vous nous détaillerez dans notre édition de la soirée. Il est 13h à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le prix de transport des marchandises via le port de Kigoma en Tanzanie sera réduit de 40%. Pierre Ndouayo, porte-parole de l'association burundaise des consommateurs à Bouko, dit espérer des retombées positives pour les consommateurs. Il demande au ministère ayant le commerce dans ses attributions d'organiser des séances de sensibilisation de tous les intervenants sur cette nouvelle voie qui vient de s'ouvrir. Nous attendons à ce qu'il y ait des retombées positives pour le consommateur. Les commerçants assurent qu'au niveau des frais de transport, ils vont avoir un gain de 40% et nous pensons que ce gain doit être répercuté sur le prix du produit qui est vendu ici. Le consommateur devrait en sentir à la gêne. Des telles opportunités qui s'offrent parfois, les importateurs auront tendance à en tirer profit aux dépens des consommateurs. Qu'est-ce que vous demandez aux différents intervenants pour que ce gain de 40% puisse se sentir au niveau des consommateurs? Et chaque fois qu'il y a des opportunités qui font que les commerçants gagnent par rapport au prix de revient, le gain n'est pas du tout répercuté pour que le consommateur arrosement. C'est pourquoi, dans l'immédiat, nous plaidons à ce que le ministère de l'Agriculture dans ses attributions mette tout en œuvre pour que ce gain de 40% qui est ressenti au niveau des transports soit répercuté sur le prix final, ici sur le marché local. Et de cette façon, nous lançons un appel au ministère de l'Agriculture dans ses attributions, ainsi que d'autres pouvoirs publics, d'organiser des séances de sensibilisation de tous les intervenants, c'est-à-dire les commerçants, les pouvoirs publics, les représentants des consommateurs, pour d'une part sensibiliser cette nouvelle voie qui vient de s'ouvrir, d'autre part répercuter le gain qui est observé au niveau des transports pour qu'il soit répercuté sur le prix au final. C'était Pierre Ndouaïo, porte-parole de l'Association burundaise des consommateurs à Bouko, au téléphone avec Charles Makoto. Vous saurez que les premières marchandises qui ont emprunté cette voie sont arrivées au port de Bujumbura ce lundi. Elles étaient constituées de 800 tonnes. Une vingtaine de prisonniers qui avaient été relâchés en application de la dernière grâce présidentielle ont été encore une fois appréhendés. Un a même été tué à Gassolgué, en province Muyinga. Selon le président de la commission permanente qui suit les questions de justice à l'Assemblée nationale, sur 10 maisons de détention visitées à travers le pays, le constat est que le nombre de prisonniers est toujours supérieur à leur capacité d'accueil. Mais la ministre de la Justice invitée à Kigobe pour des questions orales a affirmé devant les députés qu'il y a une amélioration. Nous sommes en ligne avec Mireille Kanyangé depuis Kigobe. Bonjour Mireille. Bonjour Jean Bosco. Peux-tu nous parler des chiffres dans les prisons visitées par cette commission ? Oui, Jean Bosco, comme le président de cette commission vient de l'annoncer, le constat est que ces maisons carcérales restent surpeuplées. Eh bien, à titre d'exemple, à la prison centrale d'Omhimba, c'est en mairie de Bujumbura, cette maison carcérale était prévue d'accueillir 800 détenus. Maintenant, aux dates que la commission a visité ces 10 prisons, il y a 3121 personnes et par grâce présidentielle, 618 ont été relâchées. En province de Bubanza, la prison était prévue d'accueillir 150, maintenant il y a 445 et 133 ont été libérés. En province de Rumonge, la maison était prévue à Murembe d'accueillir 800. Maintenant, il y a 1018 détenus. 156 ont été relâchés par grâce présidentielle. Je ne saurais pas oublier la prison d'Ongozi, prison pour hommes, où la maison était prévue d'accueillir 400. Mais maintenant, il y a 1105 personnes. 465 ont été relâchés. Jean Bosco, je ne saurais pas mentionner la prison de Rutana qui était prévue d'accueillir 350 détenus, mais il y a 61 détenus ont été relâchés par cette grâce présidentielle. Oui, Mireille, à part le constat de cette surpopulation, naturellement, il y a un constat par rapport aux conditions de vie de ces prisonniers dans ces différentes prisons. Oui, Jean Bosco, justement, comme le président de cette commission, Félix Nilagira, l'a souligné, le constat est que toutes ces maisons carcérales, les conditions de vie ne sont pas au bon fixe, ne sont pas bonnes. Et puis, pour question de les nourrir, c'est toujours un problème pour nourrir ces prisonniers. Il y a eu également constat que les médicaments ne sont pas nombreux dans ces maisons carcérales. Il y a aussi des prisonniers qui ont fait les trois quarts de leur peine, qui se demandent pourquoi leur dossier traîne, ou des prisonniers qui sont déplacés vers d'autres prisons, mais que leur dossier ne suivent pas. Il y a certainement d'autres prisonniers, selon le président de cette commission, qui a signalé qu'il y a manque de moyens de déplacement et le retard dans le prononcé du jugement des détenus. Oui, Mireille, dernière question. Et que répond la ministre qui a été invitée justement pour des questions orales à l'Assemblée nationale? Que répond la ministre sur ces observations des députés? Oui, Jean Bosco, premièrement sur les 20 personnes réarrêtées alors qu'ils ont été relâchés par grâce présidentielle, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a précisé que ces personnes devraient se ressaisir, même d'autres qui n'ont pas été réarrêtés, qui doivent se ressaisir. La ministre de la Justice a appelé les voisins de ces personnes libérées de les laisser travailler pour qu'ils s'acquittent correctement des dédommagements. La ministre Laurentine Kanyana interpelle également les magistrats à accélérer tout dossier qui leur parvient et non ceux des riches et susceptibles de corrompre ces magistrats. Merci Mireille Kanyange, en direct depuis Kigobe. Et sur Isanganiro, on parle toujours justice avec cet emprisonnement de 2 ans et demi et une amende de 50 000 francs burundais chacun. Une peine prononcée ce lundi à l'endroit de 3 personnes, tous des hommes de la localité de Rukere en commune Kabarore. Ces derniers ont été attrapés dans la nuit de dimanche sur la colline Ruhinga avec 72 kilos de café qu'ils allaient vendre au Rwanda. Et lors de la condamnation ce lundi, ces hommes ont avoué qu'ils allaient vendre leur café de l'autre côté de la Kanyaru où il coûterait mieux qu'au Burundi. La semaine dernière, un autre homme de 55 ans de la même commune de Kabarore a été intercepté à destination du Rwanda pour lui aussi vendre le café. Un emprisonnement de 5 ans et une amende de 100 000 francs burundais, c'est la peine qui a été prononcée à l'endroit de cet homme par le tribunal de grande instance de Kayanza. Et 200 kg de coltan et cassitérite mixte ont été saisis ce mardi sur les collines Kivuvu et Mulegé de la commune Kabarore de la province Kayanza. C'était lors d'une fouille perquisition opérée conjointement par la police et l'armée. Le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, qui donne cette information, indique que 25 kilos ont été saisis chez un certain Dikoumana Eric et 23 kg ont été saisis chez Chumbusha Philippe, tous les deux de la colline Kivuvu. Sur la colline et Mounegué, le porte-parole de la police indique que 148 kg de ce minerai ont été saisis chez un certain Antoine Niyonhetze. Il est 13h08 à Bujumbura. Dans la suite de ce journal, certains employés de la mairie de Bujumbura disent être dans la misère suite au retard pris dans le paiement des salaires mensuels alors que la mairie ne cesse de collecter des taxes et impôts, disent-ils. Ces employés ajoutent également ne pas savoir où vont les cotisations mensuelles amputées sur leur salaire pour alimenter le fonds de pension complémentaire il y a de cela 3 ans. Et un employé de la mairie de Bujumbura indique qu'il vient de passer 3 mois sans percevoir son salaire. Suivez son témoignage. Nous venons de passer 3 mois sans percevoir nos salaires, mais force est de constater que la mairie fait des recouvrements à tout moment. Nous sommes dans le besoin d'avoir nos rémunérations. Il y a la faim qui nous menace. Qu'on nous donne nos salaires en récompense du service qu'on a rendu à l'État. Nous demandons également que les cotisations mensuelles soient versées sur nos comptes ouverts au fonds de la promotion de l'habitat urbain. Nous apprenons que ces cotisations n'arrivent pas à destination alors que nous cotisons à chaque fin du mois. Quand nous approchons les autorités de la mairie, on nous répond que les cotisations seront virées sur nos comptes, mais en vain. Voilà, c'était un employé de la mairie de Bujumbura, traduit par Evariste Nziko Bainyanga. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima, a promis de s'exprimer à ce sujet dans nos éditions ultérieures. Et le mouvement de revendication des étudiants sur le nouveau décret portant réorganisation de la gestion de la bourse d'études est prématuré. Et c'est le président du cercle du personnel enseignant de l'ENS, École Normale Supérieure, qui le dit. Il trouve que leur contestation est fondée sur la peur, d'autant plus que les mesures d'accompagnement n'ont pas encore été mises en place. Dans un communiqué sorti ce mardi, Albert Nyamwana appelle les étudiants à regagner les auditoires et demande à l'autorité de multiplier les échanges tout en évitant de mettre en avant les sanctions aux représentants des étudiants. Suivez plutôt Albert Nyamwana, il est au micro d'Alain Désiré Boukayenet. Quand nous considérons les communications qui sont véhiculées par les étudiants, on a l'impression que le présent décret supprime la bourse pour la remplacer par le prêt bourse. Ce n'est pas vrai. En vérité, le nouveau décret présidentiel ne fait qu'introduire ce concept nouveau de prêt bourse. Il y aura des étudiants qui vont être boursiers, mais pour les étudiants qui n'ont pas pu avoir les conditions réunies pour bénéficier de la bourse, ces étudiants pourront contracter un prêt bourse. Nous estimons que les mesures d'accompagnement de ce décret ne sont pas suffisamment communiquées aux parties prenantes, ce qui fait que en fait, les étudiants fondent leur mouvement sur la peur de ce qui suivra ce décret. C'est pourquoi les enseignants de l'ENS lancent un appel aux étudiants de regagner les auditoires pour ne pas rater l'année académique qui, par ailleurs, continue son cours normal. Et enfin, les enseignants demandent aussi à l'autorité de l'indulgence à l'égard de ces étudiants en cas de reprise des cours et encouragent aussi toutes les parties à multiplier des échanges pour lever tous les points d'ombre soulevés par ce décret. Juste avec ce mouvement des étudiants, il y a des étudiants qui ont été emprisonnés, mais également il y a deux étudiants de l'ENS qui sont exclus pour l'année académique. Quel est votre appel pour que le dialogue que vous plaidez soit bel et bien accéléré? Nous n'avons pas des informations sûres par rapport à l'identité des étudiants qui sont poursuivis ou qui sont emprisonnés, mais si ces étudiants sont poursuivis parce qu'ils représentent d'autres étudiants, nous demandons que cette énergie soit réduite et qu'on privilégie le dialogue. En principe, dans une communauté étudiantine comme celle-ci, il faut toujours qu'il y ait des représentants des autres. Quelqu'un qui parle pour le compte de ses pairs ne devrait pas, en principe, être poursuivi. C'était Albert Nyamwana, c'est le président du Cercle du personnel enseignant de l'École normale supérieure. Et le Centre pour le développement de la famille et de la communauté en commune de Rutovu de la province Bururi accuse le parquet de Bururi d'avoir libéré sans jugement préalable une fille arrêtée pour avoir étranglé son bébé. Le procureur de la République à Bururi parle plutôt d'une autorisation pour aller se faire soigner. C'est la correspondance de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues de certains habitants de la colline Kajondi et qui sont parvenus au Centre pour le développement familial et communautaire en commune Rutovu indiquent que Clémentine Niongere est libre depuis bientôt une semaine, depuis qu'elle s'est remise de sa maladie. Alexine Gijimana, responsable de ce centre, informe que les habitants de Kajondi qui ont participé dans l'arrestation de cette fille en possession d'un corps d'un bébé dans un boisement le matin du 19 mars dernier, se demandent si ce dossier est classé sans suite. Après tant d'efforts fournis pour traduire en justice cette fille, et cela dans l'optique de tenter d'éradiquer l'infanticide sur cette colline. Le responsable du Centre pour le développement familial et communautaire en commune Rutovu, de même que ses habitants d'Okajondi, voudrait que la justice reconsidère ce dossier pour décourager de tels agissements. Au niveau du commissariat de police, de même qu'au parquet de Bururi, l'on reconnaît avoir aussitôt libéré cette jeune fille pour des soins. Le procureur de la République à Bururi informe qu'on ne pouvait pas retenir une personne amenée sur une civière dans un état de santé grave, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas commis cette infraction. Seulement, le parquet de Bururi n'était pas informé sur l'état de sa santé, indique le procureur de la République à Bururi. Jean-Pierre Misago, depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misag, il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est par cette correspondance que nous bouclons ce journal en vous rappelant que les habitants d'Ogasséni en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura ayant construit tout près du nouveau palais présidentiel en chantier ne savent pas où donner de la tête. Leurs maisons sont en train d'être détruites. Vous l'avez suivi avec notre reporter sur place. Et le président de l'association burundaise des consommateurs a beaucoup dit espérer des retombées positives avec la réduction de 40% du prix de transport des marchandises qui pourront désormais emprunter la voie lacustre du port de Kigoma en Tanzanie vers celui de Bujumbura. Des marchandises sont d'ailleurs arrivées au port de Bujumbura depuis hier. Et les enseignants de l'école normale supérieure estiment que l'autorité devrait privilégier la voie du dialogue avec les étudiants afin de dissiper leur peur à propos de la nouvelle réorganisation de la gestion de la bourse d'études et conseille à ces derniers de regagner les auditoires. Le président du cercle du personnel enseignant nous a fait remarquer que les mesures d'accompagnement relatives à ce décret n'ont pas été suffisamment communiquées aux intéressés et des employés de la mairie de Bujumbura se plaignent des retards mis dans le paiement de leur salaire et se demandent où va l'argent qu'ils cotisent pour leur fonds de pension complémentaire. Il est 13h15 à Bujumbura, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Séraphine Hakizimana. We'll be right back.